a private jet. Si ça rend les darons fiers. Sorti la mifa de la galère. I wanna do my best. Get money for a private jet. Je dois rendre les darons fiers. Sorti la mifa de la galère. Ce monde est compliqué, rempli de sans pitié. C'est les mêmes qui me critiquent, qui veulent que j'ai le temps de ma main. Seigneur, donne-moi la force, c'est tellement lourd de pardonner. Toujours tenter de leur faire du sale. Quand tout était sombre, moi j'ai vu personne. Qu'avec que la mifa et mes putains de vrais potes. J'ai pas baissé les bras, des pièces qu'on se moque de moi. Le game a changé, ils veulent toucher à ma mallette. Non, I wanna do my best. Get money for private jet. Je dois rendre les darons fiers. Sorti la mifa de la galère. I wanna do my best. Get money for private jet. Je dois rendre les darons fiers. Sorti la mifa de la galère. Sorti de la galère. Corrige pour avoir un salaire. Les bandits, Hollande. C'est Dems, Dems pour le Molière. Baudelaire, trop noir pour le système solaire. Des Mohamed, des Ali. Souvent accusé à tort, absence de preuves, des appels rejetés. Je connais la vie, la mort, l'essence, deuil, richesse et pauvreté. Je connais la fin du monde, plus d'un milliard d'Africains, point levé. Le père, le fils, le globe chargé. Ah bah oui, sans ma vie, la violence, je n'ai pas choisi. Mais ça c'est vos bêtises, mais pourtant on n'a rien changé. I wanna do my best. Get money for private jet. Ah oui, je dois rendre les darons fiers. Sorti la mi-fa